Jeudi 13 avril 2017, voici une édition de Mini Basecall. Bonjour à vous, amateurs de baseball, et bienvenue à cette édition de Mini Basecall. Comme à l'habitude, nous allons discuter surtout de vos poules et des joueurs émergents qui peuvent vous aider à ce stade-ci de la saison. Après presque 2 semaines de jeu, certains problèmes se pointent à l'horizon et des joueurs aussi réussissent à nous épater par leurs exploits inattendus. Alors, je vais vous parler en 3 volets de ces joueurs-là. Tout d'abord, le fameux volet des blessures. Vous avez Jason Kipnis, Trey Turner, Ian Desmond, Rich Hill dans votre pool et ils sont déjà partis pour une période approximative de 2 à quelques semaines. On ne sait jamais avec ça et vous avez besoin de remplacement. Alors, je vous propose 3 joueurs. Tout d'abord, pour colmater les brèches à l'avant-champ, si vous n'avez pas encore regardé du côté de Yan Gervis Solarte des Padres de San Diego, eh bien, Solarte a un très bon début de saison et quoi qu'il ne va rien casser nécessairement cette année, il devrait offrir une performance semblable à ses habitudes et d'autant plus qu'il est maintenant dans l'alignement des frappeurs autour du 4e, 5e rang, il va récolter beaucoup de points produits avec les joueurs qui seront devant lui et qui sont très rapides, notamment le nouveau Manuel Margot qui devra se placer sur les buts et en voler quelques-uns. Alors Solarte, avec certaines frappes, il n'aura pas beaucoup de puissance. On peut lui accorder à peu près une dizaine, peut-être une quinzaine de circuits au maximum. Eh bien, il réussira à obtenir sa bonne part de points produits. Ensuite, eh bien, du côté de vos lanceurs, je vous propose d'aller chercher du côté de Brandon Finnegan. On en a parlé un peu l'an passé, les gens en ont parlé un peu l'an passé. C'est quelqu'un qui est maintenant pratiquement 2e ou 3e partant des Reds de Cincinnati. Évidemment, l'équipe ne gagnera pas beaucoup, alors ne vous attendez pas à plusieurs victoires de sa part, mais probablement une bonne moyenne de points mérités et il va vous aider justement avec vos ratios. Attention cependant à le faire lancer dans des moments un peu plus opportuns, pour vous assurer que la confrontation n'est pas inégale. Alors, il pourra peut-être passer son tour, entre autres, lors des matchs au Colorado, en Arizona et peut-être contre les Cubs de Chicago. Et en terminant dans cette section, je vous propose aussi de l'aide au champ extérieur, comme Ian Desmond est déjà tombé au combat, même avant le début de la saison. Eh bien, il y a un jeune du côté de Seattle qui est probablement disponible, Mitch Haniger, qui a fait ses débuts comme recrue cette année, avait joué un peu l'an passé, mais maintenant se développe à son plein potentiel. Ça prendra encore du temps avant de voir tout le talent dont il est capable, mais jusqu'à maintenant, il peut vraiment vous aider dans certaines catégories. Haniger peut avoir de la puissance par moment et aussi réussira à se rendre sur les buts assez régulièrement. Alors, si dans votre pool, vous êtes dans des catégories qui sont proches de la présence sur les buts et même du pourcentage de puissance, eh bien, regardez du côté de Mitch Haniger à Seattle. Il y a des équipes qui ont déjà des problèmes avec la fin de match, c'est-à-dire entre autres la 9e manche lors de leur confrontation. Et c'est pourquoi il y a peut-être des sauvetages à voir à l'horizon pour certaines personnes ou certains joueurs qu'on n'attendait vraiment pas. Du côté de Texas, entre autres, c'est le premier problème. Ils ont été malchanceux et aussi un peu incompétents dans la gestion de leur fin de match. Et celui qui avait le poste garanti, si on veut, Sam Dyson, n'a plus nécessairement la confiance de son gérant. Jeremy Jeffress, qui était censé le remplacer en cas de problème, eh bien lui aussi a des maux, premièrement aux épaules et aux bras, et aussi lorsqu'il lance, ce n'est pas très très efficace, et Matt Bush, qui était l'as probablement releveur de cette formation-là, est blessé, on ne sait pas pour combien de temps. Alors, je vous propose à ce moment-là d'aller voir du côté de Tony Barnett ou de José Leclerc. Ce sont 2 lanceurs qui vraiment n'avaient aucune attention en ce début de saison, et qui là pourrait se retrouver, malgré parfois quelques difficultés avec leur balle rapide et l'obtention de retrait au bâton, pourrait avoir quelques sauvegardes d'ici la fin de l'année. Alors, allez voir du côté de ces joueurs qui sont sûrement disponibles. D'un autre côté, un joueur peut-être un peu moins disponible, ce sera Sean Doolittle. Si vous êtes dans un pool où les autres participants n'ont pas vu le talent de ce joueur en début de saison, eh bien, pressez-vous pour aller le chercher, parce que Sean Doolittle risque de prendre une belle place au sein des A's d'Oakland. On va nous dire, et puis vous avez tout à fait raison, vous allez me dire qu'il n'y aura peut-être pas trop de sauvegardes et de victoires du côté de Oakland, mais pour ce qu'il y aura à ramasser, eh bien Sean Doolittle pourra vous aider, surtout que au niveau des ratios, il sera probablement très très bon, comme il l'avait été dans le passé. Et du côté des Tigers de Détroit, eh bien il ne faut pas trop s'énerver. Cette semaine, on a vu Alex Wilson faire une sauvegarde de 2 manches. Eh bien, je ne crois pas qu'il y a de quoi s'énerver et aller chercher rapidement Wilson. Pour l'instant, les places, entre autres avec Rodriguez, sont bien occupées à Détroit et il faudra vraiment attendre plus de développement pour savoir s'il faut faire des changements de ce côté-là. Et pour terminer ce mini baseball, eh bien la section Moneyball, c'est dans cette section que je vous présente des joueurs qui sont soit moins connus ou qui évoluent pour des équipes qui passent très souvent sous le radar. Alors tout d'abord, et je vous en ai parlé tout à l'heure, avec les Padres de San Diego, vous pourrez obtenir Manuel Margot pour très très peu. S'il n'est pas au ballottage dans un échange, ce sera probablement assez facile. Et ce jeune joueur-là aura beaucoup de place cette année. Il est évident qu'il ne sera pas à son plein potentiel encore, mais il a de la vitesse, il est capable de puissance et de présence sur les buts. Et évidemment, si vous voulez augmenter votre potentiel de buts volés, c'est un très bon choix. Ensuite, il y a eu cette semaine, peut-être depuis 10 jours, 2 superbes départs du lanceur Amir Garrett, qui est présent dans l'alignement des restes de Cincinnati. Garrett, probablement, a des belles choses à nous démontrer. C'est une recrue, cependant, alors il est très difficile de lui prédire un avenir pour les prochains mois. Mais jusqu'à maintenant, il s'est montré indomptable et je vous proposerai d'aller voir de ce côté-là si vous avez besoin, entre autres, d'un lanceur partant pour remplacer ceux qui sont blessés ou pour ajouter à la profondeur de votre équipe. Et en terminant, je vous propose Tyler Motter. C'est un joueur d'avant-champ des Mariners de Seattle. Et Tyler Motter, depuis à peu près une semaine, se voit accorder beaucoup de place au sein de l'alignement. C'est quelqu'un qu'on avait déjà observé comme potentiel recrue cette année. Il a déjà joué cependant avec Tampa Bay lors des saisons précédentes, mais il a été obtenu très facilement de la part de Seattle pendant l'hiver. Et Motter va prendre la place, entre autres, de Gene Segura, qui est blessé présentement, et je crois qu'il peut faire l'affaire dans le champ, comme voltigeur, si jamais on en a besoin. Mais jusqu'à maintenant, allez le voir, il fait des très bons matchs, il a à peu près de tout. Il ne va pas rien casser, comme je le disais tout à l'heure à propos de Yan Gervis Solarte, et il est très facile à obtenir, probablement sur le ballottage de votre ligue. Alors allez le chercher tout de suite, n'hésitez pas. C'est tout pour cette petite édition de Basecall. Nous vous revenons très bientôt, tout d'abord avec un prochain BaseTime et mon collaborateur Mathieu Boivin. Il sera donc question à ce moment de la franchise des Braves d'Atlanta, donc la franchise des Braves qui a commencé il y a très longtemps à Boston et qui est maintenant installée à Atlanta. Et nous aurons le Basecall complet, notre épisode du mois d'avril, avec mon collaborateur Philippe Debé dès la semaine prochaine. Alors, restez branchés, écoutez-nous et surtout, bon baseball à tout le monde.